Juge chapitre 11. Orgeft et Galaad étaient un fort et vaillant homme, mais fils d'une paillarde, toutefois Galaad avait engendré. Et la femme de Galaad lui avait enfanté des fils, et quand les fils de cette femme-là furent grands, ils chassèrent Jephté, en lui disant, « Tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme étrangère. » Jephté donc s'enfuit de devant ses frères, et habita au pays de Tob, et des gens qui n'avaient rien se ramassèrent auprès de Jephté, et ils allaient et venaient avec lui. Or il arriva, quelque temps après, que les enfants de Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les enfants de Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad s'en allèrent pour ramener Jephté du pays de Tob. Et ils dirent à Jephté, « Viens, et sois notre capitaine, afin que nous combattions contre les enfants de Ammon. » Et Jephté répondit aux anciens de Galaad, « N'est-ce pas vous qui m'avez haï, et chassé de la maison de mon père, et pourquoi êtes-vous venu à moi maintenant, que vous êtes dans l'affliction ?» Alors les anciens de Galaad dirent à Jephté, « La raison pourquoi nous sommes maintenant retournés à toi, c'est afin que tu viennes avec nous, et que tu combattes contre les enfants de Ammon, et que tu sois notre chef, savoir de nous tous qui habitons à Galaad. » Et Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre contre les enfants de Ammon, et que l'Éternel les livre entre mes mains, je serai votre chef. » Et les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Que l'Éternel écoute entre nous, si nous ne faisons selon tout ce que tu as dit. » Jephté donc s'en alla avec les anciens de Galaad, et le peuple l'établit sur soi pour chef, et pour capitaine, et Jephté prononça devant l'Éternel à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait dites. Puis Jephté envoya des messagers au roi des enfants de Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, que tu sois venu contre moi pour faire la guerre en mon pays ?» Et le roi des enfants de Ammon, répondit aux messagers de Jephté, « C'est parce qu'Israël a pris mon pays quand il montait d'Égypte, depuis Arnon jusqu'à Jébo, même jusqu'au Jourdain, maintenant donc rends-moi ces contrées-là à l'amiable. » Mais Jephté envoya encore des messagers au roi des enfants de Ammon, qui lui dirent, « Ainsi a dit Jephté, Israël n'a rien pris du pays de Moab, ni du pays des enfants de Ammon. Mais après qu'Israël, étant monté d'Égypte, fut venu par le désert jusqu'à la mer Rouge et fut parvenu à Kadès, et qu'il eut envoyé des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, « Que je passe, je te prie, par ton pays, à quoi le roi d'Édom ne voulut point entendre, et qu'il eut aussi envoyé au roi de Moab, qui ne le voulut point non plus entendre, et après qu'Israël ayant demeuré à Kadès, ayant marché par le désert, eut fait le tour du pays d'Édom, et du pays de Moab, et fut arrivé au pays de Moab du côté d'Orient, il se campa au-delà d'Arnon, et n'entra point dans les frontières de Moab, parce qu'Arnon était la frontière de Moab. Mais Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, qui était roi d'Hesbon, auquel Israël fit dire, « Nous te prions, que nous passions par ton pays, jusqu'à notre lieu. » Mais Sihon ne se fiant point à Israël pour le laisser passer par son pays, assembla tout son peuple, et ils campèrent vers Jaha, et combattirent contre Israël. Et l'Éternel le Dieu d'Israël, livra Sihon et tout son peuple entre les mains d'Israël, et Israël les défit, et conquit tout le pays des Amoréens qui habitaient en ce pays-là. Ils conquirent donc tout le pays des Amoréens depuis Arnon jusqu'à Jébo, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Or maintenant que l'Éternel le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amoréens de devant son peuple d'Israël, en aurais-tu la possession? N'aurais-tu pas la possession de ce que Kémo, ton Dieu t'aurait donné à posséder? Ainsi nous posséderons le pays de tous ceux que l'Éternel, notre Dieu aura chassés de devant nous. Or maintenant vaut-tu mieux en quelque sorte que ce soit que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? Et lui n'a-t-il pas contesté et combattu, autant qu'il a pu contre Israël? Pendant qu'Israël a demeuré à Hesbon, et dans les villes de son ressort, et à Aroé, et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont le long d'Arnon, l'espace de 300 ans, pourquoi ne les avez-vous pas recouvrés pendant ce temps-là? Je ne t'ai donc point offensé, mais tu fais une méchante action de me faire la guerre. Que l'Éternel, qui est le juge, juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les enfants de Ammon. Mais le roi des enfants de Ammon, ne voulut point écouter les paroles que Jephté lui avait fait dire. L'Esprit de l'Éternel fut donc sur Jephté, qui passa au travers de Galaa et de Manassé, et il passa jusqu'à Mitzpé de Galaa, et de Mitzpé de Galaa il passa jusqu'aux enfants de Ammon. Et Jephté voit un vœu à l'Éternel, et dit, « Si tu livres les enfants de Ammon en ma main, alors tout ce qui sortira des portes de ma maison au devant de moi, quand je retournerai en paix du pays des enfants de Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephté donc passa jusqu'où étaient les enfants de Ammon pour combattre contre eux, et l'Éternel les livra en sa main. Et il en fit un très grand carnage, depuis Aroé jusqu'à Minit, en 20 villes, et jusqu'à la plaine des vignes, et les enfants de Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Puis comme Jephté venait à Mitzpa en sa maison, voici sa fille, qui était seule et unique, sans qu'il eût d'autres fils, ou filles, sortit au devant de lui avec tambour et flûte. Et il arriva qu'aussitôt qu'il l'eut aperçu, il déchira ses vêtements, et dit, « Ah, ma fille, tu m'as entièrement abaissé, et tu es du nombre de ceux qui me troublent, car j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel, et je ne m'en pourrai point rétracter. » Et elle répondit, « Mon père, as-tu ouvert ta bouche à l'Éternel, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants de Ammon. » Toutefois elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi pour 2 mois, afin que je m'en aille, et que je descende par les montagnes, et que je pleure ma virginité, moi et mes compagnes. » Et il dit, « Va, » et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses compagnes, et pleura sa virginité dans les montagnes. Et au bout de 2 mois elle retourna vers son père, et il lui fit selon le vœu qu'il avait voué. Or elle n'avait point connu d'homme. Et ce fut une coutume en Israël, que d'an en an les filles d'Israël, allaient pour lamenter la fille de Jephté Galaadite, 4 jours en l'année.